On continue avec la qualitative scène française avec maintenant Skaphos, récente formation de Black Death qui a vu le jour du côté de Lyon. Skaphos sort là son second album studio, 10 titres, avec une forte inspiration abyssale et lovecraftienne. Un Black Death bien crado. Pour illustrer un peu leur musique, pour info, c'est eux qui ont eu l'occasion d'ouvrir la tournée I Am Morbid Belphegor et 8 le mois dernier. Donc voilà pour situer un peu Skaphos musicalement. Et en doublette avec la formation lyonnaise, une autre nouveauté pour ce soir, Sunstair. Là on est sur un groupe qui nous vient du nord de la France, de Lille plus précisément. On est sur du doom sludge post-hardcore. Le groupe existe depuis une dizaine d'années, ils sortent là leur troisième album studio. Une musique bien évidemment massive, lugubre, très monolithique même dans l'approche, mais avec un énorme travail de fait sur les sonorités pour apporter une richesse presque inattendue. Voilà, au niveau du thème principal, on retrouve les mythes et légendes sumériennes, donc ça apporte un petit plus sur l'ambiance globale. Skaphos avec le titre Céphalopoda. Hein, coucou les légendes lovecraftiennes. L'album s'intitule Toi, et ensuite Sunstair, Uru Wrath Flood, extrait du nouvel effort studio Siusudra, une sortie sur Saturn Records. Et au passage, hein, pour rappel, Sunstair, c'est une nouveauté, c'est parti. Et on va quitter l'aspect française avec une doublette bien violente. Tout d'abord, les gars de Besançon, Warrest Nation, le groupe de Grind qui sort son troisième album studio, 16 titres pour à peine 15 minutes, une coprode Bones Brigade, Lixiviat. Clairement, le pedigree, il est là, Warrest Nation, c'est ultra violent, c'est ultra solide musicalement ce qu'ils proposent. Plus, ils sont actuellement en tournée aux États-Unis avec leur comparse de Warfuck. Donc voilà, Warrest Nation porte haut à l'international les couleurs du Grind français. Et en doublette avec Warrest Nation, toujours dans l'est de la France. Postmortem, groupe de Death Old School qui nous vient de Mulhouse. Le groupe a vu le jour dans les années 2000 avant de pas sortir grand-chose. Et puis là, ils sortent leur second album studio, du death ultra classique qui rend hommage à la scène des vétérans, vraiment des vieux, vieux vétérans de la scène hexagonale, les Merciless, Aggressor et premier Loudblast du genre. Donc voilà, c'est solide, c'est pas révolutionnaire, mais ça s'écoute super bien. Et l'hommage est plutôt magnifique. Warrest Nation, tout de suite avec le titre Sunburn to Death, enchaîné à Too Far Don't Fall. Le nouvel effort studio, pour rappel, s'intitule Dearth. Et ensuite, Postmortem Skin of My Enemy, extrait de l'album The Monumental Pandemonium, pour clôturer l'aspect française de ce soir. C'est parti. Suivante, retour à l'international avec tout d'abord Come to Grief. C'est une c'est l'avant-dernière nouveauté pour ce soir, hein. Come to Grief, on est sur une formation Doom Sludge venue des États-Unis. Pas mal de groupes dans ce style là ce soir, et cependant chaque groupe a vraiment son truc perso. Le groupe est plutôt récent, hein, à peine 10 ans. Et en fait, c'est la continuité d'un groupe de sludge qui a vu le jour dans les années 90, du coup contemporain du lancement des Hey at God et autres Crowbar. Et en fait, Come to Grief, c'est juste l'héritage du premier album de Grief qui était sorti en 94, qui portait ce nom-là. Donc voilà, et puis au niveau du line-up, on retrouve à peu près les mêmes lascars en plus. Donc voilà, un doom sludge globalement lourd et violent, vous voyez un peu le mix. Et en plus, vocalement, ça reste ultra hargneux, particulièrement le titre de ce soir, puisqu'on retrouve en guest Jacob Bannon, bien sûr le vocaliste de Converge, pour ajouter un peu à l'efficacité globale de Come to Grief, et en doublette avec Deadhead. Bon, là on change radicalement de style, puisqu'on est sur un vieux groupe de thrash venu des Pays-Bas, formé au tout début des années 90, ou à la fin des années 80, comme vous voulez. On va taper dans le Sadus, Dark Angel et les créateurs les plus violents de l'époque. Donc voilà, un thrash bien brutal, figé dans le temps, mais qui reste efficace à l'époque à laquelle nous sommes. Donc voilà, à écouter de toute urgence avec grande attention. Come to Grief, Life's Curse, extrait de l'album When the World Dies, et Deadhead ensuite, Polar Vortex, extrait de l'album Slave Driver, une sortie Emerald Records, c'est parti. On continue à dérouler l'émission sur Diff International avec la doublette suivante, Static Abyss et Ahara. Static Abyss, tout d'abord, c'est un duo récent venu des États-Unis. On est sur du Doom Death. Quoi, encore du Doom, c'est chiant. Non. Doom Death, retenez bien cette partie-là, puisque c'est tout simplement un projet parallèle monté par Chris Reffert, bien sûr, de Autopsy, qui s'est accoquiné avec le nouveau bassiste d'Autopsy, monsieur Greg Wicklinson, un autre vétéran de la scène. Une sortie Peaceville Records, on est sur du Death Doom à l'ancienne. C'est moins crado, baveux et dégoulinant qu'un Autopsy. Ça reste toujours un rouleau compresseur de Death bien massif. Et ensuite, Ahara, c'est du black metal, ça nous vient de Suisse. C'est une jeune formation signée chez DB Murmorty. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien, ils sortent là le deuxième volet d'une série de disques. Hein. D'ailleurs, le titre de l'album porte très bien l'indicateur. C'est une vocaliste qui tient le micro, un timbre bien écorché et ultra criard qui colle parfaitement bien à la richesse de mélodie dans les guitares, puisqu'il y a un espèce de faux ressenti de linéarité musicalement, sauf qu'en fait derrière c'est plein de petites choses qui viennent enrichir la musique de Ahara. Donc voilà, à écouter avec une grande attention. Static Abyss, on s'écoutera le morceau Feasting on Eyes, extrait de l'album Labyrinth of Vain, pour rappel une sortie Peaceville Records. Ahara, ensuite Zone d'Ernard, extrait de l'album Triad Through Emera, une sortie sur label français de Bimmy Morty Production. C'est parti. We'll be right back. Avant-dernière doublette dans l'émission de ce soir, Cauchemar, c'est une nouveauté. C'est une formation qui nous vient du Québec. Groupe Heavy Doom, actif depuis 2007. Ils sortent là leur troisième album studio. Donc un Doom assez old school dans l'approche musicale et dans la production au niveau du son. C'est mystico-occulte dans les ambiances. À noter que ce sont des textes en français, avec une vocaliste qui donne parfois l'impression qui donne vraiment une dimension incantatoire à l'ensemble de la musique de Cauchemar. C'est ultra rétro, hein, coucou Coven, il y a même de l'orgue par-ci par-là. Voilà, du doom à chanteuse avec l'accent québécois, croyez-moi, ça vaut le détour. Et Cauchemar, ce nouvel effort studio s'intitule Rosa Mystica, on va d'ailleurs s'écouter le titre de l'album. Et en doublette, un autre groupe venu de l'Ouest, Savage Necromancy, un groupe venu de l'Ouest avec également une vocaliste, Feathers Falls to Flame, une ressortie 20 Buckspin Records, Gibbous Moons of the Hornet God. Voilà, Savage Necromancy, c'est la version de Blasphème, Conqueror, Revenge, etc., avec une femme, c'est ultra primitif, cette espèce de Wardez, Warblack, chaotique au possible, et ben putain, croyez-moi pas, ça s'écoute vraiment très très bien. Cauchemar, Savage Necromancy, c'est parti. Je suis parti des routes de fleurs. dernière doublette et clôture donc pour l'émission de ce soir. Tout d'abord Reaper, formation Austral, qui nous sort un... On l'a déjà présenté pas mal, hein, c'est vraiment coolo ce Reaper. Après le Wardez War Black bien old school de Savage Necromancy, là on est sur du proto black d'inspiration Hellhammer, premier Celtic Frost et autres Discharge Venom pour le côté un peu punk D-beat et même les vieux Bathory. 10 titres pour 30 minutes et un bon voyage dans le début des années 80 et la base de l'extrême et du black metal. C'est ultra cool, c'est zéro original mais c'est très plaisant à écouter et ça nous vient d'Australie. Et le dernier titre pour ce soir, bah c'est le genre de morceau qu'on se passerait bien de diffuser, puisque c'est un titre hommage suite à un décès. On a appris cette semaine la disparition du chanteur de The Black Dahlia Murder, Trevor Strand. Voilà, malheureusement, décès aux causes suicide, un de plus. Ça fait toujours de la peine de savoir qu'une voix, une personne aussi emblématique de la scène internationale disparaît. Black Dahlia Murder, c'était loin d'être le groupe favori des membres de l'émission, même si bien personnellement Black Dahlia Murder, j'ai pu poncer les albums Miasma et Nocturnal. Voilà, Black Dahlia Murder, ça a été un peu l'introduction vers le deathcore, le mélodeath. Et puis, voilà, Black Dahlia Murder, c'est aussi un groupe qui a marqué toute une génération. Et puis, un personnage Trevor extraordinaire, très très très porté sur la scène underground, qui a mis en lumière énormément de jeunes formations. Et américaine et à l'international, puisque le mec bouffait de l'underground à fond les ballons. Et voilà, afin de rendre hommage à notre petite échelle à ce très sympathique personnage de la scène extrême, on va s'écouter un extrait. C'est mon titre favori de The Black Dahlia Murder, What an Horrible Night to Have a Curse, extrait d'album Nocturnal. Rest in power, Trevor. Excellente fin de soirée à toutes et à tous, et à dimanche prochain. Ciao, ciao.